Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est Pascal Mancini pour vous accompagner jusqu'à midi. Bienvenue à bord de Party After. Galaxy, out of time. C'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. 95.3. Galaxy. To give a little more, got to give it all you got. Get your feet out on the floor. Got to give a little love, got to give a little more. Got to give it all you got. Get your feet out on the floor. Got to give a little love, got to give a little more. Got to give it all you got. Get your feet out on the floor. Got to give a little love, give a little more. Give a little love, give it all you got. Just a little more. Get your feet out on the floor. Got to give a little love. Got to give a little more. Yeah. Got to give it all you got. Get your feet out on the floor. Got to give a little love. Got to give a little more. Yeah. Got to give it all you got. Hey. Get your feet out on the floor. Got to give a little love. Got to give a little more. Oh, got to give yeah. it all you got. Hey. Get your feet out on the floor. You got to give a little love. Got to give a little more. You got to give a little love. Get your feet out on the floor. Got to give a little love. Give a little love. Give a little love. Hey, give a little love. Hey, give a little love. Hey, give a little love. Merci de votre fidélité, vous d'écouter Galaxy sur le 95.30, début d'émission avec des morceaux assez commerciaux. Voici tout de suite, pour accélérer légèrement, Dave Curtis avec le fameux From Rio. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. We'll be right back. 9h34 sur les ondes de Galaxy. Un petit tour du côté de l'information de proximité. On vous parle tout de suite de l'événement. C'est Sculpture de Sable actuellement jusqu'au 31 août. Ça, c'est au Touquet Paris Plage. Plus d'informations sur le www.sculpturedesables.com. Une autre information, ça concerne un concert de punk rock garage à la BAM. Ça se passe le jeudi 8 mai à partir de 20h30 sur la scène. Les groupes de New Shirties, Dirty Fonzie et Oulit Curse. Réservation office de tourisme à Trelo 03 20 75 85 86. Et on vous parle aussi pour terminer du Festival Jeune Public de l'Enfance de l'Art. C'est la 13e édition du Festival Jeune Public de l'Enfance de l'Art qui se déroule du 12 mai au 13 juin sur Ouattrolo. Un mois de théâtre, concert, exposition pour tout public. Programmation complète disponible sur le www.l'enfancedelart.fr.gd ou la plaquette à retirer en mairie d'office ou à la bibliothèque. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Galaxy, the best house and techno records. We'll be right back. Très jolie reprise à l'instant de Soul Provider, signé le mix, le remix, Jerry Ropero. On reste dans le rythme, voici tout de suite le dernier, Roby Rivera avec le titre Aïe Aïe Aïe. Coração. No meu coração. Ça fait partie naturellement des disques qu'on aime bien entendre sur les ondes de Galaxy. Alanis Morissette, c'était la version 2007. Bon réveil si vous venez de vous lever, vous êtes bien sûr calé sur les bonnes ondes. C'est parti After, on est ensemble jusqu'à midi. Someday's a face, yes you know we love it. We know we like it, yes you know we love it. Yes, we love the Sundays of face, yes you know we got to get it. Someday's a face, yes you know we love it. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. Succès de John Dalbach à l'instant avec le titre Blink. 11h04 déjà, la deuxième et dernière partie de Party After. Merci de votre fidélité d'avance. Dans moins d'une heure, c'est DJ Tom aujourd'hui que vous retrouverez pour la session 6 mix. Party After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. We'll be right back. Galaxy. Galaxy. Galaxy 95.3. Galaxy. Le meilleur de la scène électronique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est 10h, 11h, excusez-moi, et 28 minutes. On retrouve tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Ne bougez pas, on se retrouve juste après. L'association Bal Dansé vous propose leur salon du tango ce dimanche 4 mai au centre socio-éducatif de Waterloo. Il sera animé par l'orchestre Stanco et DJ Ben. Il est ouvert aux néophytes comme aux danseurs confirmés. Plus d'infos, centre socio-éducatif Waterloo, 0320 75 89 50. 10e festival des arts de la rue, Les Turbulentes, vous attend ce samedi 3 et dimanche 4 mai à Vieux-Condé. Défilés, spectacles et théâtre de rue avec plus d'une trentaine des meilleures compagnies françaises et étrangères. Programmation complète, 03 27 20 35 40 ou sur le web lesturbulentes.com. L'exposition En avant la musique est visible du 3 mai au 31 août au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Découvrez-y toute l'histoire de la musique à Waterloo des années 1800 à nos jours. Entrée libre, renseignements 03 20 81 59 50. Théâtre musical, mardi 6 mai 20h30, boîte à musique, rue Amédée Prouveau, Waterloo. Saltimbanque de fortune est un spectacle vivant, interprété par Miguel et Manuel, deux comédiens musiciens qui vont vous faire revivre à leur manière un remake de La Cigale et la Fourmi. Billetterie, Office de Tourisme, Waterloo, 03 20 75 85 86. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Happy days on Galaxy. We'll me, drip like me, sing like me, walk like me, talk like me, drip like me, sing like me, walk like me, drip like me, sing like me, walk like me, talk like me, drip like me, sing like me, walk like me. Against enemies. Sometimes people think I'm crazy, 'cause with you, I see no boundaries. world of music. Superman. Andy à l'instant avec le haut Superman, toujours un plaisir de l'entendre sur les ondes de Galaxy. Dans moins de 10 minutes, c'est DJ Tom que vous retrouverez pour la session 6 Mix de midi à 14h. Il sera accompagné de Michael H de 14h à 16h. Sharkam pour une session rétro de 16h à 18h. Steve pour Etech pour une Tech House de 18h à 20h. Mandray de 20h à 22h. Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude. Une heure pour se détendre de 22h à 23h. Et vous retrouvez bien sûr juste après Sick pour la session hardcore comme tous les dimanches soirs de 23h à 1h. Mais on continue à se faire plaisir aux oreilles. Voici tout de suite Simply Red avec le titre Homme. Galaxy. Galaxy. Welcome, welcome, welcome to the world of music. What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory after long. I slide down to another group, we'll get this feeling. If we slide down to another group, we'll get this feeling. If we slide down to another group, we'll get this feeling. If we slide down to another group, we'll get this feeling. If we slide down to another group, we'll get this feeling. Quelques secondes, c'est Tom que vous allez retrouver pour commencer cette première heure de l'après-midi. Je vous remercie de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous, ça sera pour la semaine prochaine à partir du 10h pour un nouveau rendez-vous de Party After. Merci, d'ici là, portez-vous bien. Voici tout de suite sur les platines de Galaxy, DJ Tom.